avec ton pète, tu veux la recette, tiens, un contrat sur ta tête pour les grands. Les dents cassées, y'en aura pas assez pour me faire, pour mettre de côté, j'ai vendu la CC. J'ai jamais acheté de vue, nique-moi tout est mort. Il t'arrête sur les bords, on te fait une balle, tu mords, genre. Alors moi j'ai dormi dehors, qui a raison à tort. Jaloux monte à bord en galère, on t'aime pas qu'à tes friands, t'as l'air. S'ils chantent la rue, ils ont rêvé vécu, de pète, ils fument le cul, ces petits trous du cul. Dans ton quartier, jamais eu de place importante. J'ai vu des grands mourir à bout portant. Leurs collègues, ils étaient là, c'était des portants. Pour te dire qu'à les serveurs et à les patrons. J'suis pas un voyou, non, j'me la pète pas, j't'aime pas. En prison, ça fait le yo-yo, les sympas. Braquage, boco, j'suis tout les en bas. Un pas, deux pas, trois pas, ton singe, bon. Sur la batte, tu veux qu'on t'abatte. J'ai galéré au bat, il me dit le sami, il m'voyait à battre. Il fait le voyou qu'il part à la gratte. Pour tous ces réels dans la rue, elle, on peut te mettre une date. Pour les tollards, les voleurs, les braqueurs. Cœur, cœur. Ah oui! Freestyle de ça y est, maintenant j'ai plus de cœur. Cœur, cœur. Ah oui! Félix Pierre, à la solide à goulet. Fais pas le voyou là, on va débouler. Crac, rapote quand y'a les poulets. Hello.